Écoutez cette petite chanson, c'est le document 3A dans votre livre de texte. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me faire la pince. Quand j'étais sorti, le petit prince a dit, puisque c'est comme ça, nous reviendrons mardi. Mardi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais sorti, le petit prince a dit, puisque c'est comme ça, nous reviendrons mercredi. Mercredi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais sorti, le petit prince a dit, puisque c'est comme ça, nous reviendrons jeudi. Jeudi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince.